Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 12e épisode de la mécanique des ondes, trois quarts d'heure pour parler carrière radiophonique avec ceux qui sont devant et derrière le micro également. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Anne Cabonoco, collaboratrice spécialisée à Radio France. Bonjour Anne-Ca. Bonjour madame. Collaboratrice spécialisée, alors on va voir ce que ça veut dire. Plein de trucs et rien du tout. Bon, d'accord. Vous êtes la première femme dans la mécanique des ondes. Je suis ravie de faire cette première mécanique féminine. La deuxième, très chère. On est entre filles aujourd'hui. C'est vrai. Oui, la mécanique, c'est une animatrice, effectivement. Et voilà, c'est comme vrai. Quoi. C'est vrai. Alors, Anne-Ca, vous êtes au micro d'une radio associative. Alors, je voulais savoir si ça vous rappelle des souvenirs. Eh ben non, bizarrement. Alors moi j'ai un parcours très bizarre et foutoir en radio et foutraque. Je suis jamais passée par les radios associatives. Moi j'ai commencé par un stage comme tout le monde, mais à RFI. Donc au contraire, moi j'étais tout de suite vers l'international. Et après j'ai rejoint Fun Radio début des années 2000. Et comment on s'accroche à la radio? Comment la rencontre avec la radio s'est passée? Avec joie et détermination, et bonne humeur. Non, un petit peu par hasard en fait. Moi je crois que les gens qui durent en radio, c'est ceux qui sont capables de s'adapter en fait, tout simplement. Donc ça se passe en faisant plein de trucs et en ayant un parcours un peu foutraque, tout simplement. Et dans ce stage, vous faisiez quoi ? RFI, alors RFI, je travaillais avec Alain Pilot, qui est toujours à l'antenne de RFI, qui a une émission qui s'appelle La Bande Passante, qui est une émission musicale où en fait il trimballe des artistes dans une maison. C'est assez rigolo. Tout ça se fait en studio, donc il a reconstruit une atmosphère de chambre, de salle à manger, de cuisine, de salle de bain, etc. Et son interview se fait en fonction de la pièce. On parle pas pareil quand on est dans sa chambre et quand on est dans son salon, on est d'accord. Et voilà, donc lui fait ça en ce moment, mais à l'époque c'était une émission plus classique d'interview d'artistes. Et moi j'ai commencé avec lui. D'accord, et vous faisiez quoi ? Je préparais son émission. D'accord. Voilà, mon truc c'est la préparation. Je suis spécialiste de la préparation. Et il en sera beaucoup question du coup dans cette émission. Combien de temps ce stage ? Un stage ? 6 mois ? 3 mois ? Alors je crois que c'était 3 mois au départ. Et en fait ce qui a été assez rigolo c'est qu'ensuite, alors c'était un petit peu avant, c'était en 98, juste après la Coupe du Monde de foot. C'est d'ailleurs comme ça que je suis rentrée un peu sur un malentendu et une discussion dans la rue. Et puis ensuite il m'a rappelé régulièrement pour des émissions spéciales. Donc moi je continuais mes études, à l'époque je faisais de la philo, j'ai essayé un peu, je me suis lancée là-dedans, je sais pas bien pourquoi, mais bon c'était rigolo. Et du coup il me rappelait, alors on a fait ensemble une émission spéciale au ministère de la Culture qui était assez rigolote quand même, très protocolaire et tout ça, mais rigolote à préparer. Et puis surtout le passage à l'an 2000, voilà. Donc ensuite c'était très ponctuel, mais vraiment sur des trucs assez exceptionnels quoi. De base, vous étiez familière avec le média radio, c'est-à-dire que vous vouliez travailler de base à la radio. Est-ce que je fais partie de ces gens qui ont fait de la radio parce qu'ils écoutaient quand ils avaient 9 ans et demi en cachette dans leur lit avec un Walkman? Non. Eh ben non, même pas. Moi, je voulais être grand reporter, je voulais dénoncer les injustices du monde. J'avais envie de partir en reportage au bout de la planète et j'avais envie de faire des rencontres avec des gens différents. Et donc la radio, ça s'est fait un peu par hasard. J'étais intéressée autant par la presse écrite que par la télévision et la radio. Et j'ai trouvé tout de suite, dès mon premier stage en radio, une espèce d'authenticité. J'ai du mal aujourd'hui, hein, c'est compliqué, mais je suis pas derrière le micro d'habitude. J'ai trouvé derrière dans la radio une forme d'authenticité et peut-être de simplicité que j'ai pas eu l'occasion de découvrir ailleurs, puisqu'en fait je suis restée tout de suite en radio. Donc voilà. C'était plutôt le côté journalistique qui vous plaisait ? C'était le côté journalistique et le côté social en fait, surtout le fait de tout, très vite les rencontres humaines, le fait de que les gens puissent s'exprimer en fait. Donc du coup vous faisiez de la philo, mais ça a déterminé peut-être la suite des études, ce stage? Ah bah la suite des études, ça a été d'arrêter les études assez rapidement parce qu'on m'a proposé mon premier job en radio et je me suis dit qu'en fait on fait des études pour retrouver du travail, donc comme j'avais le travail j'ai arrêté les études. Voilà. Ça se tient. Alors, c'était où ce job ? Le job, c'était à Fun Radio. C'était à Fun Radio où je suis rentrée en stage juste après RFI. Alors, il faut, petite parenthèse, mais qui est d'importance pour les gens qui ont envie de faire de la radio. De toute façon, on commence quasiment systématiquement par un stage. C'est quand même très rare d'arriver directeur d'antenne dans une station. Et à l'issue de ce stage, le but pour la plupart des gens, c'est de faire de l'antenne. Donc moi, quand j'ai commencé, on m'a dit, il faut que tu fasses de l'antenne. Et Alain Pilot me poussait vers ça, etc. Donc on s'amusait à faire des maquettes de météo marine à RFI quand il n'y avait plus personne, etc. Mais sur RFI, c'était évidemment pas possible. J'avais 19 balais. Il n'en était pas question. C'est une grosse station, publique, compliquée. Et du coup, Fun Radio, c'était plus accessible. Donc je me suis retrouvée là-bas, en stage. J'ai fait de l'antenne un petit peu. De façon anarchique et foutraque, toujours, hein, c'est le maître mot. Mais avec des gens qui m'ont appris, du coup, la mécanique, pour en revenir à l'émission, la mécanique de la radio. Et alors, toute cette période Fun Radio a été assez longue. Ouais. Et elle était avec qui, surtout à l'antenne ? Au départ, c'était avec l'équipe de Max. Le soir, Max, le Star System, Fildar, Manu, Rigaud, et puis un paquet d'autres. En fait, il y avait beaucoup de personnages dans cette libre antenne. Et ensuite, moi, j'ai continué avec Arthur, qui était là à ce moment-là. Et j'ai suivi Arthur sur Europe 2 quand il est parti sur Feu Europe 2, Virgin Radio maintenant. Et voilà. Donc, ça a fait combien de temps à Fun en tout ? Ça a fait 5 ans. À peu près, je pense. Donc le temps d'apprendre beaucoup de choses. Quand on aime, on ne compte pas. Alors, j'ai pas compté exactement, mais je pense 5 ans. De bons moments ? Ouais, que des bons moments. Beaucoup d'apprentissage et beaucoup de choses engrangées. Que ça. J'ai tout appris. Moi, Fun Radio m'a tout appris. Vraiment. En même temps, c'était le début, donc c'est normal. En fait, Fun m'a appris un truc. Moi, j'ai halluciné quand je suis arrivée là-bas, hein, parce que ça me paraissait... complètement anarchique, tout le monde rigolait tout le temps, on vivait un petit peu les uns avec les autres finalement, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Donc au milieu de tout ça, il y avait beaucoup de professionnalisme dans une radio qui est légère, qui avait pas de prétentions justement de journalisme, etc. Qui était là pour amuser les gens et pour les accompagner de façon légère. Et en fait, c'était quand même très pro. Il y avait quand même beaucoup de... Il y avait justement, on en revient à la mécanique, une mécanique d'antenne, des rendez-vous, des réunions, une vraie réflexion sur comment il fallait faire et tout ça. Et moi, ça m'a appris un truc qui me semble important, c'est que en radio, la liberté, ça se conquiert. C'est pas un truc acquis, c'est... En fait, on passe... C'est le tapis d'Hélène, c'est l'histoire de l'Odyssée. On construit un truc pour avoir après la liberté de le déconstruire. Et le truc en question, c'est un conducteur. C'est tout simplement la façon de faire une émission de radio. Alors, il faut expliquer ce qu'est un conducteur. C'est un planning d'émission, en fait. C'est un monsieur sympathique qui est au volant. Ça, c'est généralement sur papier ou sur ordinateur maintenant. Ouais. Et puis, ça détaille donc heure par heure et minute par minute. Et c'est surtout dans la tête du grand chef de l'émission. D'ailleurs, la grande prêtresse de la mécanique des ondes, au moment où elle me parle, a bien en tête qu'à un moment, elle va passer un disque. Que son émission est découpée en plusieurs parties. Et voilà. Exactement. L'idée, c'est ça. Exactement. Donc, à Fun, donc Max, le Star System, ça a été quand même une libre antenne très, très écoutée à l'époque. Qu'est-ce que vous faisiez exactement ? On était en coulisses, donc avec Manu et Fildar. Donc, est-ce que j'ose dire qu'on faisait tout ? On faisait tout. On écrivait des sketchs, on répondait. Moi surtout, c'est là que j'ai commencé à répondre aux auditeurs, en fait, à répondre au téléphone, etc. Donc du standard classique, et puis toute la préparation de l'émission. Et la partie auditeur était quand même très très forte chez Max. Parce que ses auditeurs... D'abord, c'était une émission de nuit, du soir. Ensuite, Max était déjà là depuis très longtemps. Donc, il avait une audience qui l'avait suivi, etc. Et puis, c'était des auditeurs qui étaient peut-être un peu particuliers. Je sais pas comment dire. Expliquer un peu le thème de l'émission. C'était des jeunes qui parlaient de leurs problèmes quotidiens, on va dire ça ? Oui, entre autres. Et puis, y avait Gérard qui faisait ses poèmes quand même de sa cabine téléphonique. C'était quand même pas rien. Voilà, qui était un auditeur très régulier, qui est devenu ensuite un personnage. Un personnage qui venait assez régulièrement en studio. Et c'était un haut en couleur, comme on en voit même... Enfin, on n'en voit plus, en fait, dans le libre antenne. Moi, on m'a très, très, très souvent demandé si Gérard était un comédien. Et d'ailleurs, pour quelques personnes qui passaient chez Max, on m'a demandé mais qui sont ces gens, comment. Et en fait, c'est simple, ces gens, ils sont partout dans la rue, simplement, on leur parle jamais. C'est pour ça qu'ils appellent les radios, en fait. C'est aussi simple que ça. Mais ces gens, ils existent, il y en a partout. Et moi, je pense souvent à Gérard quand je passe devant le PMU de mon quartier. Je sais pas si je devrais le dire. Mais voilà. Donc, ce sont des gens qui ont juste pas d'espace d'expression ailleurs que dans les radios et dans ce type d'émission-là. Une équipe quand même qui était donc assez soudée, une équipe derrière le micro, devant le micro avec Max. Vous pensez que justement cette cohésion en dehors du studio, elle se ressent à l'antenne? C'était important? Moi, je crois que ça s'entend. Je pense que l'ambiance d'une radio s'entend forcément à l'antenne. Après, en radio, on se choisit pas. On peut se retrouver à co-animer avec quelqu'un qu'on connaît pas ou qu'on aime pas du tout, ou avec qui on est vraiment à l'opposé sur plein de trucs. Et ce qui est fédérateur en général, c'est la station, c'est l'antenne. Quand on aime son métier, on fait tout pour l'émission et pour le direct. Donc en général, on arrive à se retrouver là-dessus et à devenir potes là-dessus, en fait. Ça crée forcément un truc. Et puis là, quand on fait la radio, c'est super fort parce que il y a la préparation des émissions, le moment du direct qui est quand même le rouge qui s'allume, ça fait toujours un petit pincement, un petit truc. Et puis il y a l'après, il y a tout ce qu'il faut gérer après. Et les gens qui viennent participer, les gens qui écrivent, qui téléphonent, il y a plein de choses. Donc tout ça, ça crée un lien. On est sur le même bateau en fait, tout simplement en fait. Voilà. Max dure combien de temps cette période? Max, il est resté très longtemps à Fun Radio. Moi, j'ai travaillé avec lui pendant 2 ou 3 ans. 3 ans, je crois. Et alors, comment ça se passe la suite? Parce que donc vous passez chez Arthur, en fait, ouais. Après. Ouais, ouais, ouais. Comment ça se fait? Eh ben, je finissais 2-3 heures plus tôt ma journée, ma bonne dame. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, Arthur était sur la même antenne. Arthur faisait l'après-midi sur Fun. Et en fait, il y avait un membre de son équipe qui est Fanny Temam, qui est maintenant à WeFM, qui s'en allait parce que on était tous assez jeunes, donc on avait tous des études à poursuivre, à finir, etc. Et Fanny voulait passer un diplôme à ce moment-là, donc elle a lâché cette émission. Et puis on se connaissait, on se côtoyait dans les couloirs, etc. Et à ce moment-là, il a semblé que j'étais la personne qui allait pouvoir la remplacer sur son poste. Donc du coup, moi, il y avait peut-être moins besoin de moi dans l'équipe de Max, parce que de toute façon, c'était une équipe que j'avais rejoint, mais qui existait avant moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à bosser avec Arthur. Mais on est restés tous très copains, et ça s'est fait simplement, quoi. Ça devait bosser chez Arthur, quand même, pas mal. Ouais. Il fallait pas mal préparer. Et puis surtout, il fallait avoir des idées. Il fallait mettre vraiment son ego dans sa poche parce que je pense qu'il n'y a pas une seule idée dans l'équipe d'Arthur. Mais alors toute personne confondue, hein, que ce soit Manu Lévy qui la propose ou nous, petite main. Parenthèse, c'était très agréable que tout le monde ait à proposer des idées. C'était pas simplement réservé à ceux qui étaient à l'antenne, etc. C'était une vraie équipe, donc une vraie écoute. Mais il n'y a pas une seule idée qui a été acceptée tout de suite. Il fallait la transformer. Il fallait que ça devienne une idée d'équipe. C'est une stratégie. C'est une façon de travailler. Hein. On collabore. Je pense que c'est obligatoire sur des quotidiennes qui fournissent beaucoup d'idées justement et beaucoup de jeux. Il y avait des jeux, il y avait des sketchs, des parodies. Enfin, il y avait tout un tas de trucs dans cette émission qui était vraiment très chargée. Et là, on est obligé en fait de faire rebondir nos idées sur les idées des autres. Obligatoirement, sinon ça fonctionne pas. Donc c'était un travail différent d'avec Max. En fait, il y a quand même plus de choses à faire. C'était plus poussé. C'était plus sportif, on va dire. Mais vous finissiez 2 ou 3 heures avant, Mais ouais, c'est pas mal. Toutes les soirées, des concerts, des expos, une vie sociale. Ouais, un peu. Un peu. Combien de temps ça dure, Arthur? Arthur, ça a été 2 ans à Fun, et puis ensuite, il s'est fâché avec la direction de Fun. Ça arrive. Là, c'est arrivé bien comme il faut. Et du coup, il a décidé de partir à Virgin Radio et de commencer une nouvelle émission. Et alors là, moi, j'étais vachement contente parce que d'une part, il a voulu m'embarquer avec lui. Donc super. Ça vous a surpris? Non, mais c'était pas un acquis. Rien n'est jamais acquis. Non. Surtout sur les grosses équipes, c'est quand même très rare d'avoir le loisir quand on est animateur radio d'embarquer toute une équipe. Et Arthur a embarqué toute une équipe avec lui, donc on était une dizaine de personnes. Et c'était vachement sympa de pouvoir continuer à travailler avec les mêmes gens. Donc une nouvelle aventure, une nouvelle antenne, mais avec quand même ce phare que peuvent être les collègues qu'on connaît et dont on sait ce qu'on peut leur demander, qui eux-mêmes savent ce qu'ils peuvent exiger de moi. Enfin, c'était vraiment sympa. Les repères ne changeaient pas. C'est ça. Donc 2-3 ans à Fun et puis ensuite à Europe 2, ça a duré un peu moins longtemps, ça a duré 2 ans. Et qu'est-ce qui a changé du coup à Europe 2 par rapport... Enfin, l'émission ne bougeait pas ou il a fallu modifier des choses ? Alors l'émission s'est rapidement appelée Arthur et les pirates, ce qui était quand même vachement chouette pour moi parce que ça résonnait un petit peu nostalgie, mythique. Pour le coup, ça c'était une des émissions que j'avais quand même entendues quand j'étais à l'école, ce qui rajeunit pas Arthur, pardon. Mais c'est vrai, moi je l'écoutais quand j'avais 14-15 ans. Quoi. Arthur et les pirates, cette émission-là. Donc là, ça revenait déjà sur le concept historique. Et puis ce qui a changé entre les deux émissions, c'est qu'on faisait beaucoup de live sur Europe 2, ce qu'on ne faisait pas sur Fun. Enfin, on en a fait un petit peu, mais beaucoup moins. Là, c'était, on avait un vrai studio, un studio en public. Et puis surtout, on est arrivé sur cette antenne en faisant 33 heures chrono, qui était une émission qui a duré donc 33 heures chrono, qui a été quand même un truc assez spécial. Ouais, alors ça, il faut raconter parce que Alors, on en reparlera après, mais les nuits à Lola Planète, donc il n'y a pas très longtemps, c'était un petit peu ce même esprit. C'est un marathon radiophonique, en fait. C'est ça. Alors avec Arthur, il y avait une donnée en plus, c'est qu'on voulait battre le record du monde. Donc on s'était vachement renseigné. Dans le Guinness Book, c'est ça l'objectif. Ah oui, mais on s'est renseigné. On a appelé le Guinness Book plusieurs fois. On a fait venir des huissiers. Enfin, on a vraiment fait le truc bien comme il faut parce qu'on voulait battre le record. Et la petite anecdote marrante, c'est que on a fait tout ça en secret. C'est-à-dire que Arthur n'était pas annoncé sur Virgin Radio, enfin sur Europe 2. Il était pas du tout annoncé, c'était un secret, on était encore en négociation pour quitter Fun Radio, donc un peu compliqué juridiquement. Donc on a calé une émission de 33 heures avec plein d'invités sur le format de l'émission d'Arthur, donc très dense, sans dire aux gens qu'ils allaient sur cette antenne-là avec cet animateur-là. Donc concrètement, moi j'appelais des artistes ou des auditeurs et je disais bah voilà, on va faire une énorme émission sur une énorme radio avec un énorme animateur. Tu veux venir? Et les gens disent oui. Les gens disent oui, on a calé comme ça. Je sais pas, il y avait peut-être 150 personnes qui étaient invitées. Oui, parce que 33 heures d'émission à préparer, à caler, j'imagine même pas le nombre d'heures de travail. Mais en plus, on savait pas qu'on allait faire 33 heures. On voulait faire un maximum d'heures. Le but du jeu, c'était de tenir tant qu'on pouvait tenir. Quoi. Mais c'était prévu avec la direction ou pas du tout? Ah bah oui, nous, on avait un studio pour 3-4 jours. Quoi. On avait réservé des chambres d'hôtel dans l'hôtel d'à côté pour ceux qui vraiment craquaient, pour qu'ils puissent aller se reposer une heure ou deux. Donc c'était... En plus, le quartier est quand même sympathique. Pour ceux qui connaissent les locaux d'Europe, c'est en plein 8e arrondissement à côté des Champs-Élysées. Donc les hôtels du quartier, bon, c'était pas mal. Et puis voilà, donc on allait à tour de rôle se reposer ou prendre une douche. Voilà. Moi j'ai pris une douche au bout de 24 heures, je crois. J'ai saigné du nez parce qu'il faut savoir que quand on dort pas du tout, il y a des petits effets physiques. Donc je me souviens que ça m'avait fait saigner du nez, mais j'étais très fière de ne pas avoir dormi du tout. Pendant 33 heures. Ouais. Ouais. Une petite douche et ça reparti, quoi. Bah oui et non, parce qu'en fait le manque de sommeil, ça crée comme une. Ça a les mêmes effets que l'alcool. Donc, on n'avait évidemment rien bu, ni les uns ni les autres, mais on avait tous l'air bourrés, en fait. Et comme c'était notre première émission dans notre nouvelle radio, tous nos nouveaux collègues nous ont vus, alors là, pour le coup, vraiment à nu, parce qu'on était d'une sincérité désarmante et complètement hilar par manque de sommeil, en fait. Mais c'était assez drôle. Alors, comment ça se finit, Arthur ? Bah, ça se finit un petit peu en queue de poisson et en plein milieu de saison. Parce que lui, bah c'est ça, hein, les artistes, ils ont plein d'idées en tête et il y a un moment, il faut qu'ils passent à autre chose. Et Arthur, il arrivait au moment où il fallait qu'il passe à autre chose et qu'il fasse un autre truc que simplement faire son émission de radio. Et il s'est lancé dans le spectacle. Il avait un spectacle, je ne sais plus du tout comment s'appelait son show, mais il a décidé de monter sur scène. Et évidemment, c'était tellement chronophage que la radio, en même temps, c'était plus possible, une quotidienne. Et donc, on a arrêté, je crois, au mois de février, cette année-là. Donc bon, bah voilà, c'est la vie, hein, ça arrive. C'est comme ça, donc on s'est arrêté en milieu de saison. Mais c'était la fin de quelque chose, de toute façon, les uns et les autres, on sentait que ça avait été très difficile de continuer une quotidienne après, justement, l'espèce d'émulation incroyable qu'il y avait eu sur cette émission spéciale de 33 heures chrono, qui avait fait beaucoup parler et qui, nous avait poussé au bout de quelque chose, en fait. Et alors, qu'est-ce qui se passe après février, quelle année ? Oh, mais j'en sais... Alors ça, je sais bon, pas. Bon, d'accord. Quelle année ? Je pense que ça devait être 2003. Oh, 2003, 2004. Bon, alors, et en février... 2005. Bon, alors, faut qui savoir. Dit mieux 2005. 2005. Mais alors, qu'est-ce qui se passe en plein mois, en pleine année ? Pas possible de retrouver quelque chose ailleurs, parce qu'on est en pleine grille, c'est pas possible. Ouais, on était en pleine grille. Alors, moi, j'ai eu du bol, parce que Manu Lévy, avec qui je m'entendais bien, avait beaucoup de contacts dans le métier. Donc évidemment, il y a des gens, dès qu'ils sont disponibles, on les appelle. Ce qui est le cas pour quelqu'un comme Manu Lévy, qui a été appelé par Oui FM pour redresser la barre d'une émission matinale sur Oui FM à l'époque. Et Manu a commencé, donc s'est lancé là-dedans. Il a essayé de, justement, on parlait de conducteur tout à l'heure, il leur a appris à faire un conducteur, etc. Il a rencontré une équipe, et puis très rapidement il a eu d'autres choses. Je crois que c'était Nagui qui l'a appelé à ce moment-là, il me semble. Et donc il a pas pu continuer, il m'a appelé à ce moment-là pour que je prenne le relais et que j'assure moi la production de cette émission. Donc je me suis retrouvée à faire ça très pour vite. Finir pour finir l'année quoi. J'ai pas beaucoup profité de mon chômage en fait, cette année-là. Et donc, alors ensuite. Alors, donc je me retrouve productrice exécutive de la matinale de Oui FM, ce qui était assez chouette aussi, puisque Oui FM, c'est aussi une radio que j'écoutais beaucoup, et donc j'ai découvert encore une autre façon de bosser. Et à ce moment-là, Éric Lange m'appelle. Éric Lange, que j'avais rencontré aussi grâce à Manu Lévy. Manu Lévy, qui est quand même l'homme qui, grâce à qui je continue à faire de la radio. Là, je crois que ça me paraît assez clair, dit comme ça. Éric Lange avait lancé le projet d'Allô la planète, en parallèle de toute cette période-là, pour lequel je l'aidais de façon bénévole, le soir, comme ça. On lançait pour voir si ça marchait, cette émission. Et puis, cette année-là, Frédéric Schlesinger est arrivé à France Inter. Il avait eu connaissance de ce projet Allô la planète par Éric Lange, puisqu'il s'était déjà côtoyé dans d'autres radios, et il a décidé de la mettre à l'antenne. Et Éric m'a appelé à ce moment-là, assez naturellement, puisque j'avais déjà bossé sur le projet, pour l'accompagner sur France Inter. Voilà. Et ouais. Là, le projet Allô la planète, qui va être la deuxième partie de l'émission, Anne-Cap, parce qu'on va faire une petite pause musicale. On va faire une petite pause, là. Vous avez beaucoup parlé, hein. Ouais, je sais. Alors, on fait quoi comme temps? J'ai pas l'habitude, je suis fatiguée. Je vais profiter du disque pour relire mon CV, comme ça, j'aurai les bonnes années. Alors, on écoute quoi? On écoute, si vous êtes d'accord, une chanson qui va fêter ses 50 ans l'année prochaine. Et moi, j'en reviens pas, en fait, dit comme ça, parce que je trouve qu'elle aurait pu être écrite aujourd'hui. Et alors, on va faire un test. On va écouter les Rolling Stones, si on peut. Ouais. Moi, je suis plus Stones que Beatles, hein. Et en fait, vous allez essayer un truc en écoutant cette chanson. Vous allez penser à n'importe quel événement important de votre vie. Ça va l'illustrer parfaitement bien. Et même si c'est un truc triste, à la fin de cette chanson, vous aurez le sourire. Ok. Voilà. My love hope never to come back. I've seen people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, L'infatigable Mick Jagger et les Rolling Stones avec Painted Black. Vous êtes toujours dans la mécanique des ondes et aujourd'hui, on a la collaboratrice spécialisée de Radio France, Anne Cabonoco, et je suis ravie de l'accueillir dans cette 12e mécanique. On parlait d'Allô la planète. J'aimerais, avant cette petite surprise que je vous ai prévue, expliquer votre travail. Expliquer mon travail. Alors, mon travail sur Allô la planète a été assez simple et assez scandaleux, je dois dire. Il consistait principalement à discuter par téléphone avec des gens sympathiques. C'est pas mal comme boulot. Il y a pire. Il y a vraiment pire. Alors, autant vous dire qu'au dîner de famille, c'est compliqué à expliquer. Donc régulièrement, je vais avoir 37 ans bientôt et j'ai eu droit régulièrement à « Mais en fait, c'est quoi ton travail ?» Donc j'ai l'habitude de cette question. J'ai toujours pas trouvé la réponse précise à ça. Mais en gros, l'idée, c'était ça, c'était d'accueillir les gens qui avaient envie de raconter leur voyage, si on parle d'Allô la planète, et puis de les aider à organiser un peu le truc pour qu'on puisse... dire un maximum de choses, on va pas dire en un minimum de temps, parce que la qualité d'Éric Lange, c'est qu'il donnait justement beaucoup de temps à ses auditeurs, mais en tout cas dans un format radio. La mécanique des ondes. Sur quelle émission as-tu connu Anka et en quelle année ? Allô la planète, France Inter. En 2008, la première fois sur France Inter, quand j'ai eu Allô la planète. Sur Allô la planète, donc sur le Move, et en décembre 2012. Je l'ai connu sur Planète Arthur quand elle était standardiste. J'étais juste un simple auditeur à l'époque, je faisais pas de radio et c'est elle qui... j'ai participé à une émission en tant qu'auditeur et depuis... elle me rappelait de temps en temps pour faire quelques participations dans l'émission. 2010, France Inter, sur Allô la planète. Je l'ai connue en tant qu'auditrice. Sur le Move, dans l'émission Allô la planète, l'émission sur les voyages, qui suit un petit peu les voyageurs autour du monde, vu que c'est eux qui m'ont fait découvrir un petit peu l'esprit du voyage et qui m'ont donné envie de partir à mon tour. La mécanique des ondes. Une anecdote à raconter. Je dirais deux souvenirs. Le moment où je suis allé en Chine, où avec Éric Lange, Anneke était en train de m'appeler, d'essayer de me garder au téléphone au dernier moment, pour que je puisse en fait décoller. L'avion était en train de décoller, je continuais à leur parler. Sauf qu'en face, à côté de moi, il y avait l'hôtesse de l'air qui était en train de me faire des yeux de plus en plus furieux. Elle allait m'étriper. Anneke, elle est vraiment... Elle ne sait pas que juste nous contacter pour l'émission. Elle essaye d'apprendre à nous connaître. Régulièrement, quand elle nous relance sur l'émission, elle nous relançait. Elle prenait de nos nouvelles. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a du cœur et qui s'intéresse vraiment aux personnes. Une anecdote, alors, c'est vrai qu'Anneke m'appelait toujours pour faire des défis complètement débiles à l'antenne. Donc, par exemple, elle m'avait appelé le jour de ma remise des diplômes à l'UIT. Et elle m'avait demandé devant toute ma promo de descendre avec le téléphone et de dire qu'on était en direct sur Planète Arthur. Mais la plus belle anecdote par contre, c'est vrai que c'est grâce à elle que j'en suis là où j'en suis maintenant, parce qu'elle a fait tout simplement passer mon CV à l'époque au directeur des programmes de Fun Radio qui était Gaël Sanker, qui m'avait pris en stage. Et depuis, j'ai fait 10 ans de radio grâce à elle, parce que c'est elle qui a filé mon contact au directeur d'antenne de l'époque. Je me souviens la fois où elle m'avait appelé et qu'elle était en plein fou rire avec Eric. Et qu'elle n'arrivait pas du tout à retrouver son calme. Et je suis restée un petit moment avant qu'elle puisse arriver à me parler et à m'expliquer ce qu'elle souhaitait que je parle. Quand j'avais mon espèce d'intervention régulière, je m'étais spécialisée dans les guides spirituels. Et donc du coup, j'allais tester les guides spirituels. Et donc je suis allée chez les Krishna, je suis allée me faire lire les lunettes de soleil chez une voyante. Et je sais qu'une fois, ils ont vraiment flippé. Anneke et Eric ont flippé parce que je me suis retrouvée à la scientologie et j'avais pas compris que j'étais là-bas. Et donc, du coup, je leur raconte mon truc, genre, oh, ben voilà, j'étais au milieu de la mort, tout ça, super. Et après, j'ai eu Anneke au téléphone qui m'a dit, non, mais t'es sûre que ça va? J'ai dit, oui, ça va très bien. Elle m'a dit, non, parce que quand même, dans ce que t'as raconté... Parce qu'en gros, je racontais qu'à la fin, le mec m'avait attrapé par la main, genre, allez-y, signez le papier, et que j'étais sortie en hurlant... Et donc du coup, elle était, mais t'es sûr que ça va? Non, parce que tu me dis, sinon on te rappelle et tout. C'était assez, enfin, j'avais trouvé ça très très mignon en fait. De juste dire, bon, mais si vraiment on peut faire quelque chose, tu me dis, il n'y a pas de problème, on t'envoie quelqu'un. Enfin, voilà. Et un mot pour la définir. Un mot pour la définir. Ah, je crois qu'un mot, ça ne suffirait pas, mais... Adorable. Je dirais... humaine. Le téléphone qui fait tout. Elle a son cahier, elle a ses notes et tout, mais je crois qu'elle a une très bonne mémoire des gens. C'est très précieux, quelqu'un comme elle. Professionnelle à mort, ça en fait trois mots, mais c'est ça, quoi. Ah, généreuse. Je la définirais comme mystérieuse. Pour moi, en fait, c'est juste une petite voix qui traverse les fils jusqu'au téléphone et qui vient te chercher. Merci à Catherine, Macha, Laurent, Maxime, Antonin et Valentine pour tous leurs témoignages. Ils ont vraiment tout de suite répondu oui pour parler de vous. Mais en plus, j'ai une tendance à être un peu hypersensible en ce moment. C'était prévu. Mais ça va, vous avez rigolé. j'ai failli pleurer et j'ai beaucoup rigolé. Merci beaucoup à tous. Et j'ai reconnu toutes les voix parce qu'effectivement, on bosse presque ensemble, quoi. Oui, c'est ça. Il y a plus de frontières entre un côté et l'autre du téléphone, du micro, tout ça. En fait, c'est une grande équipe. Allô la planète, ça a été une grande équipe. Pendant combien de temps Allô la planète, du coup? On a fait la toute première émission. Alors, c'est rigolo parce que là, on est le 10 mars. La toute première émission Allô la planète a été lancée le 9 mars 2003. Le jour de la francophonie. Non, mais c'est quand même rigolo. Donc, là, c'était il y a 12 ans. La toute première. Après, on s'est arrêté pendant quelques mois. Et sur France Inter, ça a recommencé en 2005. Donc de 2005 à 2014, la fin 2014. Voilà, c'est passé ensuite donc sur le Move. Ça a commencé d'abord le forum du Move et ensuite redevenu Allô la planète. Donc effectivement, en 12 ans, vous en avez entendu un certain nombre dans votre téléphone, les auditeurs. Ah bah ouais, plein. Mais il y a du monde partout, il y a des gens qui ont des choses à raconter partout. Et en plus, sur cette thématique-là du voyage, il y a quand même de plus en plus de Français qui sont attirés par l'étranger. C'est une banalité de le dire, mais c'est vrai. Donc, on peut trouver au fin fond d'Oulan-Bator quelqu'un qui parle français sans problème. En dehors des émissions précédentes, avec la difficulté sur Allô la planète, c'est qu'il fallait appeler peut-être un tel au fin fond de l'Inde et techniquement. Et vous, en tant qu'assistante de production, c'était compliqué. Il y a eu des trucs marrants. C'était compliqué, en fait, non, c'était marrant. C'était vraiment rigolo. C'était un vrai défi personnel et professionnel. Ouais, complètement. Mais c'est-à-dire que je me souviens, par exemple, une fois à France Inter, le Valentin qui était au standard arrive et je vois dans ses yeux et dans son attitude, il est hyper excité. Il me dit, il y a un mec qui vient d'appeler, il fait du vélo, il était sur une route aux États-Unis, il avait plus de pièces, on a été coupés, mais il va dormir dans l'église de je sais pas quoi, de Johnstone, et la ville s'appelle machin. Alors, il avait pris des notes comme il avait pu pendant les 30 secondes où il a vu le gars au téléphone, et on s'est tapé avec Valentin d'appeler toutes les églises qui s'appelaient Johnstone dans tout un état des États-Unis. Donc on avait compté, je crois qu'il y en avait une quarantaine, et au final, à un moment, j'appelle et je dis bonjour, yes, hello, is there a French guy with a bike? Et le gars me dit hold on, et là, silence dans le studio, je dis je l'ai. Les gars, je l'ai trouvé. Et en fait, c'était vachement sympa. Et je pense qu'on doit ça quand on fait de la radio aux gens qui écoutent. Quand on a un mec qui prend la peine d'utiliser ses dernières piécettes de monnaie pour appeler d'une cabine en bord de route des États-Unis, France Inter, la moindre des choses, c'est d'essayer de le rappeler, quoi. Mmh. Enfin, moi, je trouve que c'est la moindre des choses. Et en plus, en le faisant, c'est pas un effort, c'est marrant. Donc voilà. Mais il y a eu quelques exemples comme ça, ouais, qui étaient assez folklore. Laurent évoquait l'aéroport. C'est vrai que dans Allô la planète, il y en a eu quelques-uns. Et on a eu, alors là, mention spéciale à John Phileas, qui a loupé son avion carrément. À cause de vous? Ouais. J'ai même pas honte. C'était tellement drôle que j'ai même pas honte de le dire. Il a loupé son avion. Il était devant. Il allait passer le check-in, mais il était au téléphone avec nous. Il avait peur que ça coupe, donc il a attendu. Puis à un moment, il nous dit à l'antenne, hein, il nous dit « Bon, bah là, il n'y a plus personne, je vais quand même peut-être y aller. » Et pas moyen. Donc on a eu l'hôtesse au téléphone, mais bon, il n'a pas pu monter quand même. L'émission s'est arrêtée en décembre dernier. Je voulais savoir si les auditeurs vous manquaient. Oui, et en même temps, je suis toujours en contact avec eux, bien évidemment. Donc, grâce à Facebook, Twitter et ces petites merveilles des nouvelles technologies, on arrive à rester tous en contact. Mais oui, les auditeurs me manquent parce que ça fait du bien de sortir aussi de son petit microcosme de radio. Et que quand on fait de la radio, on est souvent entre nous, avec nos petites préoccupations qui sont pas forcément celles du monde. Et le fait d'être en contact avec les auditeurs, ça permet aussi de relativiser beaucoup de choses et d'être dans la vraie vie. Voilà. Donc, il me manque parce que j'ai plus la possibilité, là, tout de suite, maintenant, de retranscrire tout ça dans mon boulot. Et en même temps, ils sont toujours là parce qu'évidemment, on coupe pas contact comme ça avec des gens qu'on côtoie depuis 10 ans. Donc, ça va au-delà du boulot quotidien d'une émission de radio. Ouais. C'est un peu il faut reconnaître que c'est une exception, hein, cette émission-là. C'est une vraie rencontre mondiale, comme dirait Eric Lange, en toute simplicité. Une rencontre mondiale avec plein de gens, des millions de personnes. Au moins. On prépare une émission, en fait, de radio. Il n'y a pas d'animateur radio. Et vous, les animateurs radio, c'est vous, en fait. Le pouvoir aux auditeurs. Le pouvoir aux auditeurs. Occupy. Le mou. Alors, prenez le micro, c'est vous qui faites la radio. Occupy le move. Il y a des canapés au mou. Occupy le move, le samedi de 13h à 13h30. C'est sur le move, et c'est vous, au micro. Franchement, chapeau. Il n'y a pas n'importe quelle radio qui fasse ça. Alors, Anne-Ka Bodoko n'est pas seulement une assistante de production, elle a aussi pas mal d'idées. Et Occupy the Move, c'était ça, c'était en été 2012. Et alors, justement, les auditeurs qui ont témoigné sur vous m'en ont parlé. Parce oui. que, Allô la planète, ça allait un petit peu au-delà. Occupy the Move, ça les avait fait beaucoup, beaucoup rigoler. Parce que, voilà, votre manière d'aller interviewer les gens, ouais. et c'était vraiment une autre expérience au sein de Radio France. Ah, complètement. Et ça, c'était la promo qu'on diffusait à l'époque pour faire connaître l'émission. Et le jeune homme à la fin, qui s'appelait Nawel d'ailleurs, je crois, qui dit chapeau, il n'y a pas n'importe quelle émission, n'importe quelle radio qui fasse ça. En toute modestie, vraiment, je suis d'accord avec lui. Et je peux me permettre de le dire parce qu'on n'entend pas du tout ma voix sur cette émission. C'est-à-dire que moi, la seule idée que j'ai eue, c'est d'aller voir un jour Patrice Blanc-Francard, qui était le patron du Move à l'époque, et de lui dire, bah voilà, effectivement, moi, je suis assistante de prod. J'aimerais bien, sur ce coup-là, ne pas l'être pour un producteur radio ou pour un animateur, j'aimerais bien l'être pour les gens qui font les émissions quand on fait des libres antennes, etc. Et essayer de mettre quelque chose à l'antenne d'un peu différent, sans animateur, sans thème, sans figure imposée, sans connaissance particulière. Si ce n'est moi, avec mon micro, d'essayer d'enregistrer les sons correctement et les remonter par la suite. Et donc c'était une expérience assez folle parce que j'ai passé un été à sortir dans la rue et à dire aux gens: prenez le micro et faites ce que vous voulez. Et alors, évidemment, il y a un temps un peu... les gens sont pas habitués à ce qu'on leur dise ça, mais ils l'ont fait, et c'était vachement sympa, parce que tout d'un coup, ils se retrouvaient dans un autre rapport au micro. C'est-à-dire on vous donne quelque chose, on vous le prend pas, on vous le donne. Et donc, effectivement, ça a été une expérience assez folle dingue, assez rigolote, et que moi, j'aimerais bien recommencer, ouais. D'une façon ou d'une autre. À bon entendeur. Bah ouais. Bah oui, complètement. Non, c'est vraiment un ovni radiophonique, c'est vrai. Vous demande de le définir, le concept de l'émission, c'est quoi? Eh ben, non, ben, en fait, c'est moi, j'ai rien inventé. Hein. C'est juste ce que m'inspire Facebook, Twitter, etc. En tant que nana qui bosse en radio depuis longtemps et qui a envie d'essayer des nouvelles choses, quoi. C'est vraiment un Twitter Facebook en radio. Je sais pas comment le définir autrement. C'est ouais. les gens peuvent parler de ce qu'ils veulent. Le fondateur de Twitter a apparemment inventé cette espèce de truc bizarre. C'est gazouillif. Je crois que ça veut dire gazouillif. Oui, ouais. Il a inventé ça en se disant mais il faudrait un endroit, un espace simple où les gens peuvent parler de leur vie quotidienne, de ce qu'ils sont en train de faire. Je vais me coucher, je me lève, je regarde la télé, j'aime pas un tel, enfin voilà. Et ça, en radio, c'est quand même la base. Voilà, je trouve. La mécanique des ondes. La question de Laurent Bounot, l'invité précédent, là là. Directeur des programmes de Skyrock. Anne-Ka, parmi les trois personnalités suivantes, laquelle préfères-tu ? Eric Lange, Arthur, Max, et si tu ne veux pas répondre, les auditeurs? Ah ouais, bah là il est dur. Et alors, tu préfères ton papa ou ta maman? Qu'est-ce qu'il est méchant avec moi, Laurent Bout. C'est très compliqué parce que chacune des personnes qu'il a citées correspond à une période de ma vie. J'ai adoré l'expérience avec Arthur, vraiment. J'ai appris tout ce que je sais faire en radio, je l'ai appris à ce moment-là. Donc Arthur est un mec très important pour moi, de ce point de vue-là. Il est connu, il est compliqué, il est tout ce qu'on veut, mais c'est une vraiment jolie rencontre. Max, il est complètement barré, donc c'est autre chose. Éric Lange et les auditeurs, c'est plus récent, ça a duré plus longtemps. Et moi, Éric m'a ouvert tout un tas de perspectives en termes de rencontres humaines, sur le voyage, sur la façon de penser les émissions. On parlait d'Occupy le Move il y a un instant. Je crois pas que j'aurais fait ce cheminement-là si j'avais pas pu travailler avec un gars qui donne une vraie liberté aux autres, en fait, et qui laisse l'autre exister. Donc, Papounet, Éric Lange, quand même, aura toujours une place très spéciale dans mon cœur et dans ma carrière, je pense. Mais évidemment, les auditeurs, moi, je peux pas faire de radio si j'ai pas d'auditeurs au téléphone. Pour moi, une radio, c'est fait par les auditeurs. Voilà. Alors, on passe au questionnaire rapide. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence ? Fun Radio. Quelle radio vous réveille le matin ? France Inter. Quelle radio vous endort le soir ? Nova. Un endroit où vous écoutez toujours la radio ? La salle de bain. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais ? La chambre. Votre meilleur souvenir de radio, s'il n'y en a qu'un ? Oh, wow, les nuits. Les nuits. D'accord. Le pire souvenir ? Le pire souvenir, des mauvaises émissions chez Arthur. Un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio ? Conquiert la liberté en travaillant. Conducteur. Ben, je vous dirais à Anka, merci pour tout, merci pour sa gentillesse. Une personne qui est au standard, c'est pas que quelqu'un qui dit « Oui, bonjour, vous allez être à l'antenne dans 5 minutes ». Anka, elle prend le temps de nous demander si ça va, de prendre des nouvelles et tout ça, et discuter un petit peu, et même donc via les réseaux sociaux, sur Facebook, nous envoie des petits messages pour justement programmer l'antenne. Et je veux dire, ça, c'est pas tout le monde qui le fait, je pense même que c'est l'appel. Bah, non, c'est vrai, on s'en est pas beaucoup reparlé après, c'est vrai qu'on s'est un peu perdu de vue depuis, donc je voulais profiter de ton émission pour lui dire merci. Parce que si j'en suis là où j'en suis, c'est vraiment grâce à elle. Et j'ai jamais eu vraiment l'occasion, à part quelques petits mots sur Facebook pour lui dire. Donc là, elle m'entend. Je voulais juste te dire merci Anka, c'est grâce à toi que je fais de la radio. Et merci, tout simplement. Mais elle est marrante parce qu'elle a plein d'idées pour les autres, en fait. C'est quelqu'un qui sait faire confiance aux gens et qui à un moment dit « Ah bah tiens, tu devrais faire ça ». Et du coup, moi, je me le suis permis. Et c'est vrai que ça m'a accompagnée, ça m'a fait faire un truc que j'aurais jamais osé faire. Non, bah, on te fait des gros bisous, puis on te suivra où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre jusqu'à destination. Et on termine là-dessus, Anka. Super chouette, vraiment. Ah bah oui, il fallait, hein, les auditeurs, ils vous le rendent bien. Et Maxime, faut quand même lui dire que c'est pas grâce à moi qui fait de la radio, c'est grâce à lui quand même. Mais vraiment, c'est gentil, je prends. Merci beaucoup, Anka Bedoko. Bah merci à vous. On va vous suivre sur la suite des aventures. Et vice-versa. Merci. Merci beaucoup pour ce deuxième épisode de La Mécanique des Ondes que vous pourrez retrouver sur le www.lamecaniquedesondes.com et le www.fréquenceprotestante.com. Au revoir.